Back to the loose, ouais mes racines c'est des filles toujours ratées. Back to the loose, back to the loose, je loupe la marche dans les escaliers. Back to the loose, back to the loose, ouais mes racines c'est pété devant une blonde. Back to the loose, back to the loose, les filles sentent ma solitude en une seconde. Je retourne à mes origines, oh oui. 14, 15 ans et pas de copine. C'est le retour au blues, oui le retour à la loose, oui le retour à la loose. Back to the loose, back to the loose, c'est une brune qui a cru m'aimer. Back to the loose, back to the loose, et qui se rend compte que je suis qu'un raté. Mes chansons. Back to the loose, back to the loose, ouais mes racines, oui c'est d'abord des chansons. Je retourne à mes origines, 14, 15 ans et pas de copine. C'est le retour au blues, oui le retour. Ouais mes racines c'est des filles toujours ratées. Back to the loose, back to the loose, je loupe la marche dans les escaliers. Back to the loose, back to the loose, ouais mes racines c'est des filles toujours ratées. Back to the loose, back to the loose, je loupe la marche dans les escaliers.